Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 12 octobre 1984, conférence intitulée « Les enseignements du Nazaréen » avec Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. C'est pas moi le Nazaréen. Non, mais de manière tu disais ça. Allô? Alors, ce soir, j'ai apporté ma mémoire. Et oui, j'ai vu ça, t'avais une Bible. Et puis mes yeux. Parce que cette conférence est un peu spéciale. Alors, j'ai pensé, Daniel, te poser des questions ou te demander de commenter sur différents passages qu'on nous a laissés de ce que Jésus, le Nazaréen, nous aurait laissé en héritage. Et puis, j'aimerais que tu les commentes. C'est original, c'est la deuxième conférence qu'on va faire sur le Nazaréen. Donc, la première, c'était sur sa vie, là, c'est sur l'enseignement. Et puis, la Judée, à l'époque, c'était une terre qui était quand même relativement chaude. Et puis, c'est la deuxième conférence, et puis, on peut remarquer que le salon est encore aussi chaud que la dernière conférence. Mais disons que ça met le monde dans l'ambiance. Mais ça fait deux conférences, ça fait deux fois que l'air climatisé et tout le tralala, c'est... Faut croire que c'est ça, faut se mettre dans l'ambiance. Alors, je commence. Alors, on va essayer de, comme je disais, de réchauffer la salle. C'est ça. Lorsque Jésus était à Capharnaüm, dans les débuts de ses enseignements, voici ce qu'il a dit, et j'aimerais à ce que tu commentes ça. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Fait que là, tu vas me lire des morceaux de la Bible comme ça? C'est ça. Et puis, j'aimerais à ce que tu... « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est ça. Faut bien comprendre que lorsque l'on parle de proximité dans le domaine de l'évolution, on peut parler de deux sortes de proximité. Une qui est temporelle, puis une qui est spatiale. C'est-à-dire, c'est proche dans le temps ou c'est proche en distance, dans l'espace. Et le royaume des cieux est proche, c'est beaucoup plus une proximité spatiale dans l'espace qu'une proximité dans le temps. Convertissez-vous. Convertir veut dire changer. Convertir une auto, convertir ta maison, convertir un être humain. Donc, transforme-toi parce que le royaume des cieux est proche. Là encore, il faut faire la différence entre le royaume planétaire et le royaume des cieux. On sait que si on regarde, on va donc se fier à la Bible, vu que tu as amené ce livre-là ici, si on regarde la Genèse, Dieu dit, créons ou faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance selon la Genèse. Maintenant, on peut remarquer qu'en réalité, du moins dans la vie, l'homme créa Dieu à son image et à sa ressemblance et il le plaça dans le ciel pour après ça faire plein de conneries et remettre la responsabilité de toute leur création dans les mains de ce Dieu-là. Il y a le ciel, il y a les cieux, selon le Nazaréen, selon Jésus. Et le royaume des cieux parle donc de plusieurs cieux, comme la Genèse parle de plusieurs dieux. En fait, il y a trois cieux, un ciel et un domaine planétaire. Ce domaine planétaire-là va contenir le ciel. Et à l'extérieur du domaine planétaire, donc à l'extérieur de ce que l'homme peut connaître, il y a les cieux. Convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche veut dire par là que si tu te transformes toi et tu devrais te transformer, d'ailleurs le Nazaréen a donné d'autres détails sur la transformation, le pourquoi, le comment et le vers quoi. Si tu te transformes, c'est que tu te mets en état de pouvoir recevoir des énergies divines, divines des dieux dans les cieux et non pas du dieu dans le ciel. Le ciel étant relié à l'astral planétaire, donc à la psychologie de l'homme. Tout le ciel et ce qui a été placé dedans a été créé par l'homme. Dans le ciel, on a des anges, des archanges. On a une représentation dans le ciel planétaire d'une chose similaire qu'on peut retrouver dans les cieux. Maintenant, il n'y a qu'un ciel. Par contre, il y a trois cieux. Alors, se convertir, se transformer, se mettre en état de pouvoir recevoir des énergies. Le baptême est une forme de conversion. En te baptisant, tu peux recevoir l'Esprit Saint, l'intelligence active ou l'énergie supramentale. C'est la même chose. Donc, te convertir veut dire te transformer. Par la conversion, il y a évidemment la purification. Il y a, mais qui est surtout symbolique lors du baptême. Là, tu as expliqué ce qu'était le ciel un peu. Peux-tu expliquer ce que sont les trois cieux avant d'entrer dans la définition du royaume? Ben, vois-tu, le royaume des cieux, c'est simplement être capable, à un moment donné, de pouvoir connaître ce qui se passe à l'extérieur de l'enveloppe planétaire. Donc, à l'extérieur du ciel, il y a les cieux. L'âme va au ciel. C'est normal. L'âme, c'est la psychologie de l'homme. Et à la mort du corps physique, cette âme-là va être réingurgitée, c'est-à-dire va être digérée par l'astral planétaire, c'est-à-dire par le ciel. Maintenant, l'esprit, lui, n'est pas relié au ciel, il est relié aux cieux. Donc, l'esprit va être, disons, une représentation du souffle divin ou de l'énergie vitale divine, ce qui a porté, disons, certains conférenciers à appeler l'énergie supramentale l'énergie éthérique par rapport à l'ancienne énergie éthérique qui est le vital de l'homme. Alors, dans l'Antiquité ou dans les traditions conventionnelles, on a l'énergie physique, la forme matérielle, l'énergie éthérique ou vitale qui est la vie, l'énergie astrale, l'énergie mentale. Mais le souffle de Dieu, donc l'esprit, qui, lui, est tributaire des cieux et non pas du ciel, donc non pas de la planète Terre, le souffle de Dieu, selon un terme ésotérique, souffle dans le domaine matériel, c'est l'énergie vitale, le souffle de Dieu, donc l'éthérique de Dieu, l'énergie supramentale, ce qui n'est pas l'éthérique humain ou le vital. Ce royaume-là, c'est simplement, disons, un royaume, c'est une chose qui n'est pas unique, qui contient différents blocs, et dans la terminologie du moins employée par le Nazaréen à l'époque, évidemment, il faut toujours voir qu'il s'adressait à une population qui n'avait pas suffisamment de vocabulaire. Et le royaume était un endroit qui était dirigé par un roi, par un père ou par un dieu, pour aller quand même avec la conceptualisation de l'époque de ces choses-là. Alors, ce qui fait que le royaume de Dieu, je le définirai pas trop, à moins que par hasard tu aies des phénomènes au niveau de l'enseignement du Nazaréen qui vont, disons, m'amener à devoir définir. Lui, il l'a déjà défini de certaines façons. Alors, ce qui fait que se convertir, c'est se transformer. Se transformer, pourquoi? Parce que c'est pas en temps, c'est pas dans le temps que le royaume des cieux va arriver chez l'homme. C'est en distance. À l'instant même où tu vas réussir à pouvoir connaître ce qui se passe sur la terre, donc dans le ciel, connaître le physique, le vital, l'astral et le mental, tu es en train de te transformer. Tu es différent de la masse, et te transformant, tu deviens donc en contact avec le cieux, les cieux, disons le premier cieux, qui est l'énergie supramentale. Comme je te dis, le Saint-Esprit, c'est ça, qui descend sous forme de ce que tu voudras dans la psychologie de l'homme, hein, pour le traduire, pour le transcrire, pour le transmettre. Mais c'est quand même cette énergie-là qui est le souffle de Dieu, donc qui est le corps éthérique, donc qui est le supramental dans notre terminologie aujourd'hui, mais qui à l'époque pouvait être appelé l'Esprit-Saint. L'esprit pur, l'esprit saint, le Saint-Esprit, celui qui amène l'homme saint d'esprit. L'esprit, on veut dire par là, évidemment, le niveau mental. Et automatiquement, ben, c'est l'énergie de l'intelligence active. C'est le savoir instantané, c'est ce qui était l'esprit saint, et c'est l'énergie supramentale. Alors, le royaume des cieux est proche en espace, pas en temps. En temps, il est aussi loin que toi, tu veux qu'il soit loin, et il est aussi près que toi, tu veux qu'il soit près. Maintenant, il y a une démarche à parcourir, et cette démarche-là, c'est la conversion. Convertir ne veut pas dire croire. C'est un début. Si tu ne connais rien et tu ne crois pas, tu commences par connaître, apprendre que ça existe. Après ça, tu dois croire que c'est ça. Tu risques de te faire tromper de temps en temps, mais du moins, c'est une démarche. Et lentement, ce que tu crois, tu dois le convertir en connaissance. Et ça, le mental va le faire. L'astral va croire. L'entité physique et vitale va découvrir. L'astral va croire. Le mental va comprendre. Tu es converti. Et là, tu as accès à l'Esprit-Saint, donc à l'énergie supérieure, au royaume des cieux. Alors, pour résumer, c'est donc dire que, selon toi, ce qu'il voulait dire, c'est lorsqu'il a dit que le royaume des cieux est proche, c'est que le royaume des cieux est en nous, ou nous entoure. Non, toute la conversion et toute la démarche possible est en toi. Ce qui fait que tout ce qui est en toi te met le royaume des cieux à la portée de ta main facilement. Mais le royaume des cieux n'est pas en toi. Et le Nazaréen... Il n'est pas manifesté. Non. Mais il est là. Tout est là. Le royaume du ciel est en toi. Le ciel au complet est en toi. Continue, tu vas voir. OK. Alors, je passe à une deuxième... Deuxième enseignement qui est dans les meurtres et colères. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible de jugement. Et moi, je vous le dis, quiconque se fâchera contre son frère sera passible de jugement. » Alors, j'aimerais ce que tu commentes là-dessus. Disons que le mot important à l'intérieur de ça, c'est jugement. Oui. Alors, disons que, qu'est-ce que le jugement? Pourquoi juger? Pourquoi ne pas juger? Celui qui juge, d'une certaine manière, de la même manière, il sera jugé. C'est un enseignement du Nazaréen. Là, je te résume, disons, fais-moi... Pourquoi et qu'est-ce que le jugement? Vas-tu juger quelqu'un? Disons que je vais expliquer ça d'une façon... Lui aurait pu l'expliquer de la même façon, de façon plus spirituelle, disons que supramentale, même si c'est similaire. Si à l'intérieur de toi, tu vois, tu perçois à l'extérieur quelque chose, un individu, par exemple, qui commet un acte, et toi, à l'intérieur de toi, tu vas prendre l'individu, c'est-à-dire ce que tu en perçois, et tu vas le placer dans un endroit qui va être le mal. L'individu est mauvais. Hein? Il est, disons, il est mal, il est mauvais. Ce qui fait qu'en toi, tu devras ouvrir une porte. Le mal, prendre l'idée et la perception de l'individu, le placer à l'intérieur et refermer la porte. Tu viens de juger l'individu, tu l'as catalogué comme étant mauvais. Mais toutes les fois que tu devras juger un individu et le placer au niveau du mal, tu devras ouvrir les portes du mal en toi et à chaque fois, il y aura du mal qui va rejaillir. Et tu devras placer l'idée de l'individu, mais l'individu reste ce qu'il est. Donc, lui, il n'est pas du tout touché par ça. Tu refermes les portes. Ce qui fait que toutes les fois que tu juges un individu comme étant mal, par exemple, tu laisses à l'intérieur de toi et tu n'as pas le choix parce que tu dois le placer dans le mal. Ce qui fait que, vibratoirement parlant, tu dois donc admettre qu'il est mal. Tu permets au mal de naître en toi. Ce qui fait que tu seras jugé de la même façon, c'est-à-dire que toi, vibrant le mal, parce que remarque qu'un individu qui est complètement relaxé, tout ça, dira pas, ah, lui, il est mauvais. Lui, il est mauvais. Puis il faut faire attention. OK? Le mal est en lui quand tu juges mal. Et la bonté est en toi quand tu juges bien. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, ouvrant les portes du mal, du bon, de tout ce que tu voudras, automatiquement, tu laisses les énergies de ton astral surgir en toi au niveau de ta conscience, venir te manipuler, ce qui va faire en sorte que ta vibration au complet va être dominée et assujettie à la vibration de la porte que tu viens d'ouvrir, disons le mal, ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, il y a le mal. Ce mal-là va te mettre en concordance, donc en résonance avec le mal de l'astral planétaire, ce qui fait qu'automatiquement, toi, tu es placé, donc tu es rabaissé au niveau de l'astral planétaire, au niveau du ciel, tu es replacé au niveau du mal planétaire. Donc, automatiquement, au lieu de prendre l'individu et le placer réellement dans une forme mal, tu te prends toi et c'est toi qui te places dans l'astral en relation avec la vibration du mal planétaire. C'est toi qui te places là. Donc, comme tu vas juger l'autre, automatiquement, tu vas devenir, vibratoirement parlant, le jugement de l'autre et automatiquement, en résonance avec l'extérieur, au niveau du champ planétaire astral, donc au niveau du ciel, et en résonance avec l'entité que tu vibres là, tu es en relation avec, donc tu es placé là. Ce qui fait qu'en réalité, un individu qui juge ne fait que se juger, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne juge absolument rien, il ne fait que se placer lui dans un endroit typique, dans un air astral particulier, et c'est le jugement du ciel. Le ciel, évidemment, c'est tout ce qui, à partir de la planète matérielle, allait jusqu'à l'astral planétaire. Alors, du moment que tu juges quelqu'un, lui, tu le touches pas. À moins que tu veuilles le manipuler par la force physique, l'amener en prison ou etc. Mais en réalité, lui, au niveau du ciel, il n'est pas jugé par toi. Par contre, toi, tu es jugé comme tu juges. Parce que tu es ton propre juge pour la simple raison que, comme je te dis, lui, il est mauvais, il faut y faire attention. Automatiquement, je me place en vibration qui va tomber en résonance avec l'astral en question. Ce qui fait que je vais être manipulé par les forces du mal, ou par les forces de la jalousie, ou par les forces de la peur, ou n'importe quoi. Mais automatiquement, moi, je laisse des traces de mon action de moi-même, dans l'énergie. Donc, mauvaise, si je parle de mauvais. Ce qui fait qu'à la longue, ben moi, disons, on parle d'un livre. Mais le livre, c'est l'astral, la matière qui enregistre comme une cassette ou comme un appareil photographique. Et à la longue, ben, si je passe mon temps à juger du monde mauvais, ben moi, je viens vivre des actions dans le domaine du mauvais. Ce qui fait que si quelqu'un peut voir, disons, les annales akashiques se reliant juste à ma vie à moi, on parle donc d'un livre, ben évidemment, je vais être jugé de la même manière que j'ai jugé. C'est-à-dire que toi, la majorité de ta vie, tu l'as passé au niveau de l'astral bas au lieu de le passer au niveau de l'astral haut. Donc, jugeant à l'extérieur, l'extérieur n'est pas influencé par ton jugement, mais toi, c'est une résonance vibratoire avec ça. Donc, automatiquement, tu inscris dans ce livre-là qu'on appelle les annales akashiques, ou le livre, je me souviens plus du nom au niveau de la Bible, et tu es automatiquement jugé par le Dieu du ciel comme toi, tu as jugé les hommes. Oui, puis à ce moment-là, si tu juges souvent et que tu accrédites... Tu ouvres les portes souvent. Mal, à ce moment-là, tu rouvres les portes souvent, puis tu baisses ton taux vibratoire. Ce qui fait que tu es jugé toi aussi. Ce qui permet aussi à l'astral de plus en plus bas, selon le taux vibratoire, d'entrer et de circuler en toi. C'est d'ailleurs le peu d'astral vibratoire, disons, bas, qui est en toi, qui va ouvrir les portes pour t'amener au jugement. Ça fait un cercle vicieux. Continuellement. Mais le fait de juger, c'est pas simplement en ce sens qu'il y a un Dieu qui se sent vexé quand tu fais sa job. C'est lui qui doit juger, c'est pas toi. Alors quand tu juges, il va juger pareil pour te punir. C'est pas ça le phénomène. Juger, c'est quoi? Tu es laid, tu es beau, tu es gentil, tu n'es pas gentil, tu es mauvais, tu es satanique, tu es bon, tu es... Ça change quoi à toi? Que tu y sois ou que tu y sois pas, je peux penser n'importe quoi, ça te changera rien à toi. Par contre, moi, je me mets continuellement en résonance. Alors, de penser que tout le monde est mauvais, c'est effectivement de me placer en résonance avec une entité, avec les vibratoirement parlant, avec quelqu'un qui juge mauvais, donc avec des mauvais, puis me voir jusque des mauvais, me voir que du monde mauvais, puis ça peut être vrai parce que je m'en vais me promener jusque du monde mauvais. Parce que justement, à force d'ouvrir les portes du mal, ben je suis manipulé, je suis en résonance avec l'énergie planétaire, donc du ciel, contre les mauvais. Ce qui fait qu'automatiquement, mon jugement, il est là. Si quelqu'un veut voir qui je suis, qui va lire ce livre-là, il va voir que je suis mauvais. C'est ça. Mais une autre chose aussi, Daniel, c'est que là, tu parles seulement de la personne qui juge, qui ne dit pas un mot, mais habituellement, les gens qui jugent de cette façon-là, ça engendre un échange avec d'autres personnes. Ils cherchent à rencontrer d'autres personnes pour leur dire qu'un tel est comme ci. Ben, vu que le monde, oui, exactement. Mais vu que le monde juge, oui, tout le monde ouvre les portes. Mais une chose qui est sûre, ce que tu penses, c'est pas tellement important. Ce que tu penses. Parce qu'on est encore dans un monde où les annales astrales, donc où la mémoire planétaire, va surtout enregistrer des choses vibratoires qui vont évoluer dans le temps et dans l'espace. Donc, parce que c'est lié au temps directement et c'est un temps astral. Ce qui fait que tout ce qui est astral va être enregistré dans les mémoires de l'astral, ce qui est vital ou physique, bref, ce qui est plus lent ou égal. Le mental, presque pas. Par contre, si tu parles, la vibration, elle est reliée au temps matériel. Elle a une vitesse, mais qui est quand même suffisamment lente. La lumière est beaucoup plus rapide que le son. Et automatiquement, si tu parles ou si tu agis, les gestes, ça, c'est mémorisé. Ce que tu penses n'est pas tellement important. Ce que tu dis est vachement plus important. Mais c'est sûr que si tu le penses régulièrement, continuellement, à la longue, ça finit par te gruger. Mais une parole vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées. Au niveau du jugement. Maintenant, là, on a regardé, lorsqu'on juge, on a regardé le côté lorsqu'on condamne. Maintenant, lorsqu'on juge et on accrédite... Même chose, tu vas être jugé de la même manière. Si tu ouvres les portes du bien, automatiquement, tu te mets en relation avec le bien. Donc, automatiquement, si tu vas incruster de ton passage dans les annales spirituelles hautement vibratoires, donc dans le bien, et quelqu'un qui pourrait lire... Les annales akashiques se relient directement à ta vie, verrait que tu es bien. Parce que tu juges bien, et ce qui fait que tu es placé au niveau du bien. Mais c'est le même phénomène au niveau du jugement. Mais ce qui va arriver, c'est qu'un individu qui juge en bien va aussi juger en mal. C'est justement ce que je voulais en arriver. C'est qu'habituellement, je pense que quelqu'un, s'il a un jugement réellement juste, ne s'amusera pas à juger. Un jugement réellement juste, c'est fait par le mental. Ça s'appelle pas un jugement, ça s'appelle une constatation. De constater que tu plus, c'est une chose. De juger que tu es un gars sale, c'est une autre chose. Parce que sale veut dire quoi? J'entends aussi parler de la psychologie, tes habitudes et tout ça. Puis je ne connais rien. La constatation, elle est mentale, mais l'astral s'en empare immédiatement pour s'amuser avec et porter un jugement. Constater et juger, c'est deux. Alors, ce qui fait qu'un individu mental peut constater, de l'extérieur, on dirait qu'il juge. Nazaréen portait souvent des constatations. À un moment donné, il appelait les races de vipères, puis etc. Bref, il leur parlait dans leur langage pour qu'ils comprennent. Mais est-ce que c'était un jugement ou une constatation? Ben, si on lit les écrits, on peut voir qu'eux autres faisaient certaines choses, comme par exemple, tu allais prier en public. Tout le monde sache que toi, t'es pieux. Ben, c'est une constatation de dire que le gars... Ben non, c'est un jugement, c'est une constatation. Par contre, si deux jours après, t'es encore en train de penser à ça, demande-toi que t'es pas en train de juger, parce que constater. Alors, s'il n'y a pas jugement, soit accréditation ou condamnation, l'aide, est-ce qu'on peut dire que l'aide est plus proche du royaume des cieux? Oui, pourquoi? Parce que automatiquement, ils devront quand même voir les choses, donc il y aura constatation au lieu du jugement, donc il y aura travail mental au lieu du travail astral, ce qui veut dire qu'il y aura donc un développement au niveau mental, le mental et l'énergie qui peut rentrer en relation avec l'énergie supramentale, immédiatement supérieure au mental, ce qu'on appelle justement le premier royaume des cieux, le premier cieux. Et puis, dans la constatation, on pourrait peut-être aussi dire que ça ne laisse pas de traces. Ça n'en peut pas laisser de traces. Je constate que l'eau est froide, que l'eau est chaude. Mais je ne juge pas. Je constate qu'un individu vient de commettre un meurtre. Mais est-ce que je juge que l'individu est mauvais? Je n'ai pas marché 10 000 dans ses souliers. Je n'ai pas jugé, mais je peux constater. Bien important. Alors, voici un autre enseignement. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les foulent aux pieds et qu'ils ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Ça regarde le travail d'une personne qui sait et qui communique. Ne donnez pas, ne jetez pas. Donc, ça regarde le conférencier par rapport à l'auditoire. Les cochons, puis... Bon. Ça veut dire... Évidemment, c'est une parabole. De quel côté? Vois-tu, c'est que si tu as n'importe quel genre de connaissance, si tu n'arrives pas à pouvoir déterminer à qui le donner, tu risques que ce soit mal compris, déformé, puis c'est dangereux parce qu'à un moment donné, il y a un sadique qui peut arriver avec un revolver puis te descendre. Je résume rapidement ce qu'il voulait dire. D'accord? Alors, quelle que soit la chose, la connaissance, tu dois toujours faire attention à l'écosystème psychologique des individus, à l'écologie d'un auditoire, que ce soit des élèves de classe, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'église, que ce soit dans une salle de conférence, que ce soit tes parents, que ce soit n'importe quoi. Alors, ce qui fait que tu as des choses, ben tiens-toi donc avec ceux qui peuvent comprendre. Juste d'ailleurs, une explication qui va pouvoir peut-être... permettre de mieux comprendre. Pourquoi les paraboles du Nazaréen? Parce que ceux qui ont des oreilles comprennent. Ça veut dire ceux qui n'ont un paquet qui ne peuvent pas être sauvés. Ça veut dire qu'ils n'ont un paquet qui n'ont rien à faire là-dedans. Ça veut dire que le Nazaréen ne s'adressait pas au public, il donnait une parabole. Et ceux qui ont des oreilles vont comprendre, que ceux qui ont des oreilles comprennent, que ceux qui ont des yeux voient. Alors ça veut dire que lui-même, justement, on lui demandait au niveau de la parabole, pourquoi tu expliques toujours en parabole? Ben c'est ça. À un moment donné, tu dois faire attention à qui tu vas donner tes choses précieuses, précieuses pas pour toi, mais précieuses pour les autres, ou précieuses pour l'évolution même d'une population ou d'un environnement. Alors tu ne jettes pas ça aux chiens, aux cochons, c'est-à-dire que si tu aurais de la bonne nourriture, que toi tu aimerais ou tu aurais, là demain on fait une relation, une parabole c'est quand même une relation avec quelque chose de matériel, ce qui est le meilleur moyen d'arriver à faire comprendre quelque chose quand même à une masse, du moins une masse qui n'est peut-être pas prête. Alors automatiquement, ben ce qu'on veut dire par là, c'est que les choses que tu vas dire, il y a des fois par exemple, si on prend un exemple comme moi, il y a des choses que je ne dis pas en conférence, je refuse. Bon. Il y a des choses que je ne dis pas, mais que je vais dire dans des conférences, disons, plus spéciales, où, à un moment donné, ben, à la longue, disons que le public finit par être prêt, puis on peut s'ouvrir. Mais je ne dirais pas ça dans un symposium ou une conférence, je vais t'inviter où j'ai jamais été, puis le public ne me connaît pas. Disons qu'on fait, on fait attention. Pourquoi? Parce que si tu y vas trop loin, tu risques de ne pas pouvoir sortir. Alors, les cochons et les chiens vont justement fouler aux pieds ce que tu leur donnes, et ils peuvent même se retourner sur toi, te mordre ou te tuer. Alors, c'est ça. Ça veut dire que tu apprends des choses, tu veux communiquer. Fais attention à maudit avec qui tu communiques. Puis, essayez-le, vous allez le vivre. Les cochons, les pourceaux et les chiens vont vous mordre. Ça peut être vos parents, ça peut être, bon, ben là, on prend l'expression du Nazaréen, mais il y a une chose à faire, c'est qu'il faut faire attention à qui on communique nos choses, surtout à ceux qui connaissent un peu plus. Mais je pense que en général, les gens qui cheminent, qui atteignent justement un certain niveau de connaissance, ils commencent à penser qu'ils connaissent des choses et qu'ils communiquent à d'autres à l'extérieur, le vivent, ça. Mais ils le vivent, il y a certains, une dépense d'énergie terrible. Pour ça. Il n'y a pas de retour d'énergie, donc tu gaspilles ton énergie. Et non seulement tu la gaspilles, mais en plus, tu risques de payer royalement le prix parce que ça peut se revirer contre toi parce que c'est pas prêt. Ça veut dire que si tu as l'orgueil de vouloir communiquer parce que tu sais qu'il faut que tu communiques, ça veut dire que tu n'es pas capable de discerner ceux qui peuvent comprendre et ceux qui ne peuvent pas comprendre. Ne pouvant discerner, tu risques de payer pour parce que là, c'est l'ego, c'est l'orgueil, donc c'est l'astral qui te domine. Le Nazaréen, lui, se foutait bien de passer pour un fou. C'est une parabole. Maintenant, il faut bien aussi remarquer que les apôtres n'étaient pas du monde extrêmement brillant. Parce que plus souvent qu'autrement, les apôtres, après l'enseignement du Nazaréen en public, demandaient au Nazaréen, « Peux-tu nous expliquer telle parabole? » Et à un moment donné, il a fallu qu'il leur dise aussi d'en face, « Qui êtes-vous? Vous ne comprenez rien? » Puis souvent, homme de peu de foi, c'était à ses apôtres. Crème, tu prends du pain, tu le multiplies. Tu prends du poisson, tu le multiplies. Ah ça, c'est pas pire. Tu marches chez eux pour aller les rejoindre, puis là, ils sont tout en panique. Tu sais, je pense que si tu marcherais chez eux, j'aurais moins peur que si tu multiplierais du pain. Mais vu que l'estomac primait beaucoup, tu as commencé par manger avant de voir le miracle, mais quand tu as marché sur l'eau, ça allait plus. Puis quand tu calmes une tempête, ça va plus. Bon, alors, il faut toujours voir l'enseignement lui-même. Et puis, l'individu qui commence à parler, à donner, à enseigner, commence à avoir des connaissances, soit parce qu'il est en contact avec l'énergie hautement spirituelle, mémoire du supramental, ou avec l'énergie directement supramentale, ben l'individu qui a trop d'ego risque de brûler vif. Il risque d'être détruit par le fait, justement, qu'il veut communiquer, l'orgueil de communiquer, l'orgueil de montrer que l'on sait, et souvent l'orgueil, pas de le montrer, mais de se le dire à nous. Le prouver, nous autres. Oui, donc on le montre, mais on se le dit à nous. Pas, Daniel, qu'il y en a qui vont cheminer pendant 10, 12, 15 ans à lire tous les bouquins qui peuvent mettre la main dessus, puis là, à un moment donné, ils trouvent quelque chose, alors ils sont... Ils sont prêts à tout y aller, sauf qu'il n'y a pas rien, ce qu'ils ont maintenant qui est précieux pour eux, ils le donnent à n'importe qui, parce que ils veulent le faire, ça c'est l'ego, c'est l'orgueil qui s'exprime, puis c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Puis ce que le Nazaréen veut dire là, c'est ça. Ce que tu as de précieux, donne-le pas aux pourceaux, aux cochons ou aux chiens, parce qu'eux autres risquent de ne pas comprendre, de ne pas reconnaître, donc ils vont le fouler aux pieds, c'est-à-dire qu'ils vont piler dessus. Hein, et ils risquent de se retourner en plus, hein, contre toi et te mordre. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ta barouette, ce qui fait qu'à un moment donné, un conférencier ou n'importe qui veut pas dire, ben tu veux le forcer à le dire, il veut pas le dire, si lui sait pourquoi qu'il veut pas le dire, si tu le dis, tu risques de payer pour. Parce que si tu le dis, il va s'arranger pour que tu puisses pas le mordre. Tu vas te mordre les doigts, toi. Maintenant, si on revenait aux paraboles, tantôt tu as mentionné que la parabole était faite pour ceux qui pouvaient comprendre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi... Daniel, quelque chose dans la parabole qui fait que selon chacun qui écoute ou qui commence à lire les paraboles, selon son taux vibratoire, a une compréhension allant avec son taux vibratoire. On appelle ça une non-compréhension en termes ésotériques. Oui. Hein? Tu comprends pas ou tu comprends. Par contre, tu peux penser que tu comprends, tu peux croire que tu comprends, tu peux croire que tu comprends, tu peux être bien sûr que tu comprends, puis un jour tu comprends. Alors, la parabole est quand même faite justement pour ça. Il y a ceux qui ne peuvent pas comprendre, il y a ceux qui sont susceptibles de comprendre, puis il y a ceux qui savent. Alors ça, c'est la trilogie raciale ésotérique. Elle est là, elle est irréversible, mais elle s'arrête là. Il n'y a pas d'autres racistes au niveau des ésotéristes. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui peuvent savoir, puis il y a ceux qui sont les autres. Alors, ce qui fait que tu ne donnes pas justement aux pourceaux, tu ne donnes pas à ceux qui ne peuvent pas recevoir. À moins de le dire en parabole. Tu le dis en parabole. Pour ça, c'est simplement pour, dans une masse, passer un message pour que le message se rende aux oreilles de ceux qui ont des oreilles. Mais encore là, tu fais fi de ceux qui n'ont pas d'oreilles. C'est normal, c'est pas le temps, ils peuvent pas comprendre. Ça sert à rien de vouloir faire comprendre à quelqu'un qui peut pas comprendre, qui devrait comprendre. Il y a rien à faire. Puis là, c'est dangereux en crime, parce que tu peux te faire mordre, puis tu peux te faire tuer. Alors, il y a rien à faire. On veut souvent penser, on veut souvent croire, parce qu'on a peut-être peur un peu de faire partie de ceux-là, quoi qu'on espère que non, que tout le monde peut comprendre, puis que les paraboles, c'est fait pour tout le monde, ou que l'enseignement, ben, c'est fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. C'est fait seulement pour ceux qui sont susceptibles de pouvoir comprendre. C'est pas fait pour les autres. Les autres, si c'est pas le temps, c'est pas le temps. Si un jour, ils arrivent à comprendre, c'est le temps. C'est fait pour eux autres aussi. Mais il y a des individus qui vont naître, qui vont vivre sans jamais savoir pourquoi. Mais l'individu qui arrive sur la planète Terre, qui se réveille tout d'un coup, qui vit, ben lui, il vit, il se demande rien. Il est sur un grand wagon qui est la planète Terre. Tout va bien, il s'en va, bon, il meurt, puis il a jamais su qu'est-ce qu'il a fait, il a jamais su qu'il s'est passé là. Ceux-là, c'est les pourceaux. C'est-à-dire que c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que c'est pas un jugement, hein, c'est simplement une parabole. Alors ceux-là, c'est ceux à qui tu ne dois pas donner. Parce qu'il n'y a rien à de leur donner à eux autres. La vie va se charger, pas toi, la vie va se charger de leur donner ce qu'ils ont besoin pour un jour, beaucoup plus tard, beaucoup de jours après, n'est-ce pas, quelques milliers de jours après, arriver à pouvoir peut-être faire partie de ceux qui comprennent. Mais ça, c'est normal. Ça, faut le comprendre. Ce n'est pas celui qui m'aura dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui aura accompli la volonté de mon Père céleste. Ils seront nombreux à me dire en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous point fait des prophéties en ton nom? En ton nom, n'avons-nous point expulsé les démons? En ton nom, n'avons-nous point accompli quantité de prodiges? » Et alors je leur déclarerai hautement, « Jamais je ne vous ai connu. Éloignez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. » Tu vas aller chercher loin. Oui, ça, je pense qu'il y a du stock là-dedans. Bon, Seigneur, Seigneur. De toute façon, on s'en fout. Bon. Je parle, le oui. Nazaréen s'en fout, là, vous dire, bon. Ceux qui vont, je vais prendre plusieurs morceaux, je vais expliquer plusieurs morceaux, puis après ça, ben, on essaiera de faire un gâteau avec toute la recette. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses à l'intérieur de ça. Tu devras premièrement faire la volonté de ton Père céleste. Donc, le Père dans le ciel. Pas le Père des cieux. Pas le Père dans les cieux. Ce qui veut dire que tu devras faire la volonté de la forme physique, de la forme vitale, de la forme astrale et de la forme mentale. Ce qui est inhérent au ciel, donc à la planète Terre. La volonté, j'ai déjà expliqué que la volonté, c'était pas de vouloir faire quelque chose. Tu faisais la volonté d'un père quand tu laissais l'énergie de ce père-là s'exprimer par toi. Donc, automatiquement, tu faisais la volonté du père astral ou du père mental ou, donc, du père mental du père céleste, qui est le summum des pères dans le domaine de notre ciel, le père céleste. Et tu peux faire aussi la volonté du père dans les cieux. Ce qui est différent. Jusqu'au jour où tu arrives à être. Je suis. Ce que le Nazaréen, à un moment donné, a déjà dit. Hein? Il a fait la volonté du Père céleste, la volonté du Père de son Père dans les cieux, la volonté de son Père dans les cieux, la volonté de son Père dans les cieux, puis un jour, je suis. Je suis rendu au dernier ciel, qui est le niveau bouddhique, divin, pardon. Alors, ce qui arrive, c'est que tu devras premièrement, non pas en mon nom, faire des choses. Moi, je fais mes choses en mon nom, pas en son nom. Des choses en mon nom. Parce que je sais. Donc, je peux avoir l'autorité pour le faire. Mais si tu guéris au nom d'un autre, tu fais quoi? Tu ne fais qu'exprimer le désir d'être sauvé, le désir de bien paraître, le désir d'être appelé serviteur de Dieu, le désir d'être appelé pacificateur de Dieu, le désir d'être appelé simple d'esprit, le désir de recevoir une béatitude parmi tant d'autres, le désir de t'asseoir à la droite de celui qui sera assis à la droite de celui qui est assis à la droite de celui qui est le Père. Vas-tu faire au nom? Ça veut dire être assujetti à la mémoire. Ça veut dire être manipulé par l'astral. Et le mental à l'intérieur, qu'est-ce que tu en fais? Tu l'oublies. Tu devras non pas faire quoi que ce soit en mon nom. Parce que moi, je t'aurais pas connu. C'est ce qu'il disait. moi, je ne peux pas te connaître. Parce que connaître, ce n'est pas du niveau de l'astral. Apprendre des connaissances, mémoriser des choses, d'accord. Mais on a déjà vu que la connaissance, c'est-à-dire que la connaissance ou connaître, c'est de naître avec, donc d'être vivant en même temps, pas de se rappeler de certaines choses. Alors, le Nazaréen, il ne t'a pas connu, il n'est plus sur la Terre. Il a fusionné, il n'est pas mort, il a fait bien d'autres choses, mais il ne te connaît pas, c'est-à-dire qu'au niveau mémoriel, non. Toi, ça a quelque chose dans son nom, de dire Seigneur, Seigneur, de le prier continuellement, d'allumer bien les cierges, de faire bien des choses, ça ne peut faire qu'une chose, qui est très bonne d'ailleurs, ça ne peut faire qu'augmenter le niveau, donc énergiser l'astral, hautement spirituel, ce qui a été, disons, parti par le passage du Nazaréen ici. Mais ce n'est pas faire la volonté du Père Céleste, celui qui te demande, toi, de connaître le physique, de connaître la vie, de connaître l'astral, ta psychologie, ta mémoire, mais pas de t'identifier à elle, puis pas de penser que tout ça c'est toi, puis de te prendre pour le nombril du monde. De connaître l'énergie mentale. Et quand tout ça sera connu, le mental fera la volonté du Père dans les cieux. Lorsque le Père décidera que tu es prête. Oui. Alors, quand le mental est suffisamment personnalisé, il peut faire, non pas sa volonté, mais celle du Père dans les cieux, ce que le Nazaréen a fait. Mais l'astral, la psychologie, l'individu à qui on s'adresse, devra faire la volonté du Père Céleste, qui est le mental. Et le Père Céleste, quand il fera sa volonté, c'est quoi la volonté du Père Céleste? C'est de faire la volonté du Père dans les cieux. Quand tu auras la volonté du Père Céleste, donc quand tu seras mental, tu pourras, comme le Nazaréen, dire « Je ne fais pas ma volonté, mais celle de mon Père, Père dans les cieux. » Faire ta volonté, ça veut dire « Je ne fais pas ma volonté, donc ma volonté est que je ne suis plus manipulé. » Sinon, c'est pas ma volonté que je fais, c'est la volonté de l'astral que je fais. C'est la volonté de tout ce qui me manipule que je fais. Mais si je peux dire « Je fais ma volonté », c'est que je suis plus manipulé par l'astral, donc je suis mental. Et là, je peux dire, seulement là, je peux dire, je ne ferai pas ma volonté parce que je suis le maître à bord, et je ferai la volonté du Père. Alors, le Nazaréen dit que tu ne devras pas Seigneur, Seigneur, pas prier, pas espérer, pas tout ça, non. Pas faire des miracles en mon nom. Le miracle, c'est quoi? C'est l'expression d'une forme vitale ou d'une forme astrale. Mais le miracle, c'est quoi? C'est rien. C'est un résultat, pas un but. Alors, tu fais des guérisons, tu fais des choses, c'est le but. Parce que tu veux être sauvé. Parce que tu viens me voir en me disant, « Seigneur, j'ai fait ça, ça, ça, ça, ça en ton nom. Tu veux être sauvé. C'est pour ça que tu as fait ça. C'est égoïste, c'est astral, parfait. Mais tu peux pas venir me voir me dire ça, parce que pour me voir, tu dois faire la volonté du Père Céleste. Donc, tu dois être mental, ce qui fait que tu fais une chose parce que c'est intelligent, c'est-à-dire que parce que c'est harmonieux. Pas juste pour toi, parce que c'est intelligent, parce que c'est harmonieux dans l'ensemble. C'est pas l'astralité. Donc, tu fais la volonté du Père Céleste bien avant. Et quand tu auras fait la volonté du Père Céleste, ben tu pourras être en contact avec le Père dans les cieux, ça va de soi. Alors, ce qui fait que n'entrera pas dans le royaume des cieux que celui qui aura fait la volonté du Père Céleste. Et le royaume des cieux, c'est les trois niveaux de royauté, disons, des cieux, qui sont à l'extérieur extraplanétaire, à notre ciel planétaire. Donc, quand tu as fait la volonté du Père Céleste, tu es assujetti au niveau mental, tu as la volonté, tu exprimes l'énergie mentale, donc tu peux contrôler les éléments ici, tu peux contrôler l'astral, le vital, donc opérer des guérisons, tu peux contrôler le physique. Automatiquement, là, quand tu auras fait la volonté du Père Céleste, tu seras admis ou tu pourras être admis dans le royaume des cieux. Pas parce que tu fais des miracles, tu fais disparaître des Boeing. Mais à ce moment-là, comme tu dis, Daniel, tu peux opérer des miracles, soit des guérisons. Moi, j'appelle pas ça des miracles, disons une guérison, là, parce que ça s'explique très simplement, selon moi. Mais si tu le fais, il faut que tu fasses sûr que si c'est pas la volonté du Père, que c'est bien proche, qu'il n'y a aucun ego dedans. Si c'est l'ego, t'es fait. Tu perds ton temps comme le bonhomme qui a déjà passé 80 années à apprendre à marcher sur l'eau. Hein? Puis il aurait pu prendre une chaloupe à la place puis traverser tous les jours, ça aurait été bien mieux. Alors tu pratiques, tu fais des guérisons. Ah, c'est pour aider autrui, moi je suis altruiste. Bon, on appelle ça de la vantardise, hein? On appelle ça comme le pharisien qui fait ses prières en plein milieu de tout le monde. Ah, moi c'est pour le bien d'autrui. Oui, parce que ça te fait plaisir en maudit de le faire du bien. Hein? Bon, ben c'est pour ton bien à toi. C'est bien normal, mais sache-le. En faisant ça, je peux être sauvé. Sauvé. Voyons donc, qui c'est qui peut être sauvé À part une chose aberrée, idiote, imbécile, qui tombe dans, un, dans une flaque de boîte ou de flaque d'eau, tu passes, tu le ramasses, tu le mets à côté. Et un sauvé. Mais vu qu'elle est imbécile, elle risque encore de retomber dedans. On la sauvera pas tous les jours. C'est pas d'être sauvé, l'idée. OK? C'est d'arriver à comprendre. Tu vas te sauver toi-même. Il y a juste les sots qui peuvent être sauvés, c'est le cas de le dire. Parce qu'il faut bien comprendre que si un individu guérit quelqu'un... Il exprime l'énergie vitale. Il exprime l'énergie vitale. Non, mais il est mobilisé par son astral, son ego, son orgueil. Si ce n'était pas dans le plan de vie de l'autre personne qu'il guérit, d'être guéri à ce moment-là... Tu ressuscites quelqu'un qui devait mourir, tu commets un meurtre. Ouais. Puis tu vas payer comme si tu avais tué quelqu'un qui devait rester en vie. Ça, c'est important en crime. T'as une leçon à apprendre, t'es malade. Ou j'arrive, je te guéris. Parce que moi, je connais rien des maladies. Il y a plusieurs sortes de maladies, plusieurs sortes de guérisons. Bon, moi, je connais rien. Moi, je suis guérisseur. Moi, je fais les voies de Dieu. Je fais bon. Je veux copier le Nazaréen. Je fais ça en son nom. Alors, j'arrive, puis je te guéris. Crime, t'as passé 30 ans de ta vie à vouloir te rendre malade pour apprendre de quoi? Ça, c'est inconscient. Moi, j'arrive, clac. Là, faut que tu recommences 30 ans encore à te rendre malade. Faut que tu saches en crime qui guérir. Pourquoi tu penses que le Nazaréen disait du monde, le Nazaréen disait du monde, OK, ta foi t'a guéri. Mais il guérissait pas tout le monde. Parce qu'il donnait des conditions à certains, puis il posait des questions. Qui crois-tu que je suis? Tu penses que je peux te guérir? Comment? Bon, ben, m'aller chez vous. Non, viens pas chez moi. T'as même pas besoin de venir chez moi. Parce que moi, je suis centurion, j'ai des soldats. Puis quand je commande à l'un d'aller, il va. T'as juste à dire quelques mots. Ça va être correct. Parfait. J'ai pas vu une foi aussi forte que toi ici, t'es guéri. Mais il testait, il checkait en crime. Il guérissait pas n'importe qui. À un moment donné, il y a du monde qui venait lui voler une guérison. Il se retournait, puis oh, un instant, il parlait avec. Il l'aurait rendu malade, hein? La personne qui a touché son vêtement, eh bien, il l'aurait rendu malade. Puis il lui a demandé, puis elle lui a parlé. C'est correct. Va-t'en, c'est correct. Ben c'est ça, lui peut guérir, parce que lui, il est mental. Mais lui, t'es plus que mental, t'es relié aussi avec les... il faisait la volonté du Père dans les cieux, donc il était même au niveau du supramental. Mais lui pouvait le faire. Mais pas quelqu'un qui veut guérir comme ça. Lui, c'est dangereux en tabarouette. Il guérit au nom de Dieu, ou au nom du Nazaréen, en sa mémoire. Mais il comprend rien, puis il connaît rien, parce qu'il n'est pas, il n'a pas l'autorité de le faire. Puis l'autorité, c'est pas quand je te donne un symbole, ou quand je te baptise. C'est quand tu finis par faire les voies du Père Céleste que tu es autorisé à faire les choses dans le domaine de la matière, pas quand tu fais les voies du Père Astral. On dit souvent, Daniel, que l'enfer est rempli de bonnes intentions. Si on remonte, disons, de ce qu'on discute là depuis peut-être 50 ou 100 années, là, ça commence à remonter à la surface et de plus en plus, il y a des gens qui comprennent ce phénomène-là et qui savent que c'est la réalité. Quand l'astral te manipule, tu veux faire le bien, mais tu vas le faire mal. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est qui arrive justement aux gens qui étaient inconscients, ou encore s'il y en a qui le font, étant inconscients, mais n'ayant pas d'ego là-dedans? Vois-tu, si tu es inconscient, c'est que tu es manipulé. Si tu n'as pas d'ego dedans, c'est que ton astral n'est même pas identifié. OK? Puis elle n'est pas personnalisée pour Saint-Saëns. Ce qui fait qu'il y a un ego. Mais c'est l'ego de la mère. C'est l'ego de la société. D'ailleurs, c'est cet ego-là qui se ramasse un karma négatif qui va payer pour. C'est l'ego de ta religion. C'est l'ego de ton enseignement. C'est l'ego de ta famille. Tout le monde va payer pour. Pas toi, mais tout le monde. La personne qui passe sur la rue puis qui tue, puis qui savait pas. Bon, que ce soit un fou, que ce soit n'importe quoi, la société paye pour. On perd un citoyen qui avait un travail à faire dans la société. La famille va en souffrir. Ça va répercuter sur les autres et ça va évidemment, la douleur va s'intensifier jusqu'à un individu qui peut être la femme ou les enfants qui comprend pas. Mais elle vit dans la société, elle devra donc payer une partie du karma de la société. Parce que s'il vivrait dans une société indienne ou hindoue ou musulmane ou en pleine forêt, elle n'aurait pas payé le karma de la société. L'individu en liberté dans la société aurait tué un autre ou l'aurait pas tué parce que manquant de cible. Tu paies le karma, tu veux accepter les bonnes choses, tu vas donc devoir accepter les mauvaises choses. Une société, c'est ça. C'est bâti par tous les citoyens, mais ce n'est pas aucun des citoyens. Alors, ce qui fait que tu payes la société, qui s'enrichit la société. Toi, non. Mais c'est toi qui payes. Alors, c'est la même chose. Tu commets pas d'acte, mais tu veux bénéficier des centrales des centrales hydroélectriques qui détruisent l'écologie. Ben, tu devras payer pour. tu veux bénéficier de ton essence pour rouler en auto, il y a des guerres en Iran, en Irak, il y a des guerres un peu partout pour te fournir l'essence, tu devras payer pour. Tu veux bénéficier du canal de Panama pour recevoir ta marchandise, tes bananes, tes oranges, tout ce que tu voudras. Ben, à un moment donné, ça se bat là-bas. Tu devras payer pour. Tu veux bénéficier de la société, tu devras payer du carbone de la société. C'est normal. Alors, l'individu qui n'a pas d'ego vit où? Il devra payer pour. Le karma de tous ceux qui, de l'ego national, de l'ego sociétaire, de l'ego religieux, de l'ego familial. Lorsqu'il est inconscient. Mmh. En voici une autre. Les illusions. Ce n'est pas celui qui m'aura dit... Ben non, les illusions. Pas trouvé un autre. Question sur le jeûne. Personne ne met un morceau de drap neuf à un vieil habit, car la pièce tire sur l'habit et la déchirure s'agrandit. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin se verse et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et les deux se conservent. Ça, c'est connu, je pense. C'est très connu, la outre, oui. C'est très connu, mais je pense que ça peut, disons que si on regarde le côté parabolique, là, ça peut avoir plusieurs significations. Ouais, ça en a une réelle. J'aimerais, justement, c'est pour ça que je l'ai souligné, pour avoir la tienne. Vois-tu, le Nazaréen, tu parlais du jeûne, donc ça me replace un peu si je fouille au niveau de tes mémoires. Ses disciples jeûnent pas pendant que tous les autres jeûnent. Alors, on lui demande, puis lui explique justement, et patati patata, que c'est pas ce qui rentre qui va souiller, puis à un moment donné, il s'en va au niveau, il explique cette parabole-là. Cette parabole-là explique simplement que vous jeûnez tout le monde, parfait, avec moi, je jeûnerai pas. Ça va vous frustrer, on appelle ça briser des formes en langage d'aujourd'hui. Briser des formes. Pourquoi briser des formes? Parce que si tu prends une nouvelle connaissance, une énergie nouvelle, on est au niveau plan supramental présentement, et tu fous ça dans des vieux concepts, des vieilles conventions, une religion qui date de 2000 ans, qui n'a pas changé, des choses que tu crois parce que tu les as apprises ou parce que tout le monde y croit ou parce que, etc. Moi, j'arrive avec de quoi de neuf, je te mets ça là-dedans, je brise les urnes, les outres. Pourquoi? Ben c'est ça. Il y en a qui suicident, il y en a qui paniquent, il y en a qui sont à Saint-Jean-de-Dieu, Louis-Polyte Lafontaine, disons, pour changer le nom. Alors, c'est ça. Tu dois donc briser, c'est-à-dire que tu dois lentement transformer, adapter, vous devez briser vos concepts, perdre vos croyances, vous devez abandonner le vieux. Ça veut pas dire de faire un lavage de cerveau, mais ça veut dire qu'au niveau de l'importance que tu attaches aux choses qui sont vieilles, ça, cette importance-là doit disparaître. Donc, tu as des connaissances mémorielles, mais tu n'attaches plus d'importance, tu es donc une outre neuve, dans lequel on va pouvoir mettre du vin neuf et on ne risquera pas de briser. Tu as un vieux vêtement, ce vêtement-là, à cette époque-là, disons, on parle de tissu là qui déchire. Si vous essayez de mettre une patch après vos pantalons, ben ça déchirera pas le pantalon. Mais à cette époque-là, les vêtements étaient surtout faits en peau. C'est des vêtements qui étaient foulés, qui étaient tannés. Alors, donc, à un moment donné, ces vêtements-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils rétrécissent. Au lavage, etc., c'est le cuir. Hein? Bon, avec la majorité des soies végétales qu'ils prenaient à l'époque. Alors, ce qui fait qu'une pièce de tissu neuf, à cette époque-là, si tu la cousais dessus, ben après le lavage, elle rétrécissait. Ce qui fait qu'elle va accentuer la déchirure dans le vêtement. Alors, c'est pour ça que, disons, que c'est pas compréhensible aujourd'hui. Là, ben, à l'époque, c'était bien brillant de dire ça parce que c'est ce qui se passait. Fallait que tu salisses au coton la pièce neuve, la rendre vieille, pour l'adapter là. Mais salir une pièce neuve pour la rendre vieille, donc quand t'as la bonne grandeur, là, tu fais à coude, elle fera rien, ça veut dire être diplomate. Ça veut dire, premièrement, soit faire des paraboles, mais la parabole, c'est pas encore assez souillé. Ça veut surtout dire de rien dire puis essayer de t'organiser pour plaire à tout le monde, même si tu as des nouvelles connaissances, mais en essayant de les déformer pour plaire à l'ancien vêtement. Alors, ce qui fait que les... Ça, c'est du point de vue du conférencier, donc. Ouais, mais le conférencier fait même pas ça, il brise des formes aujourd'hui. Mais pendant longtemps, il a fallu qu'on fasse ça parce qu'on en a tué pour donner en prison pour bien moins que ça. Tu avais un qu'à dire que la terre était ronde puis que tu pourrais s'intéresser vous en prison. Alors, il fallait pas que tu ailles leur dire en plus qu'il y a plusieurs dieux puis blablabla. Bon. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est que tu brises des formes. Hein? Et puis, donc, les outres sont neuves. Le vêtement est neuf. Tu es fin prêt. Et là, on peut mettre un vin nouveau à l'intérieur de tout ça. Ce qui fait qu'automatiquement, il n'y a pas de problème. C'est ce que ça veut dire. Alors, quand les pharisiens puis tous ces mecs-là venait dire aux Nazaréens, imagine-toi, c'était pas lui, il fallait aller dire ça, que ses apôtres devraient jeûner parce que c'était le sabbat. Premièrement, lui va leur dire que l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Le sabbat était fait pour l'homme. Alors donc, l'homme peut transformer le sabbat comme qu'il veut. Et puis, c'est ça. Les autres, etc. Fait que moi, j'ai ma gang d'hippies, on bouffe. Puis on se lave pas les mains, puis c'est pas grave. Puis les autres, ils se lavent les mains jusqu'au coude selon ce qui leur a été enseigné par Isaïe, etc. Puis le Nazaréen, ils haïssaient justement ceux-là. Et puis, juste pour la tradition, puis tout allait bien, puis c'est bien le fun. Tu arrives là-bas avec ta gang, tu fais des guérisons, tout le monde commence à te croire, puis tu es carrément à l'extérieur du sabbat. Il a même fait des guérisons dans le sabbat. Bon, c'était bien niaiseux. Est-ce que c'est interdit de mourir pendant le sabbat? On peut aussi guérir pendant le sabbat. Lorsqu'il est arrivé, à ce moment-là, il y avait beaucoup de formes brisées parce que... Aujourd'hui, avec. Fais-moi confiance qu'il y en a en crime. Il faut briser la couverture parce qu'ils sont solides dans le monde. Mais dans ce temps-là, il y en avait beaucoup à briser aussi. Il y en a beaucoup probablement plus aujourd'hui, ouais. Autant qu'aujourd'hui. Oh, il y en a bien moins. Il y en avait moins dans ce temps-là? Aujourd'hui, tu fais des miracles, on te passe à la télévision, tu fais disparaître des Boeing puis des tours Eiffel, là, OK, je sais qu'il y a un organisement là-dedans, mais n'empêche que tu fais ça, puis le monde te traite de magicien. Ceux qui font des guérisons sont poursuivis en justice, pratique illégale de la médecine. Alors, je veux dire, aujourd'hui, il y a bien plus de Nazaréens ici, ils seraient en prison, puis ils auraient passé, à moins qu'ils passent à travers les murs, puis même là, on s'est organisé pour y trouver une loi qui leur a interdit de faire ça. Mais n'empêche que, je veux dire, veut pas, il y a bien plus de formes à briser. Oui, mais si on regarde les initiés qui ont atteint le niveau supramental, Daniel, on voit qu'ils ont justement pris l'intelligence, l'expérience du Nazaréen et fait ce qu'ils font, est beaucoup plus, pas caché, mais disons que les autres, ils ont... Oui, c'est ça, c'est qu'ils ont bâti des formes puis ils l'ont brisé. Oui, mais plus subtilement... Et puis, moins, ouvertement. Puis maintenant, il est temps qu'on commence à taper à coups de marteau. Le marteau, ça brise le cristal, mais ça forge l'acier. Oui, maintenant, OK. Oui, d'accord. Mais ici, là, ça, c'est du point de vue un peu de ceux qui connaissent. D'après moi, là, ce que c'est que tu as mentionné, tu t'adressais à... ou t'as donné des exemples de conférenciers brisés des formes. Mais qu'est-ce que c'est que l'individu qui chemine, lui, est-ce qu'il peut en briser des formes lui-même? Bien, la vie va y en briser sous forme de corps, disons que sous forme d'initiation vivante et rapide, qui va lui permettre, à un moment donné, ça brise la forme dans son concept. Parce que qu'est-ce qui fait briser les formes? Soit que c'est une autorité, ou c'est la souffrance, donc la vie. Le choix entre un ou l'autre. Les formes, faut qu'ils tombent. Fait que où c'est la souffrance? Parce qu'à force de penser de même, puis à force de souffrir, à un moment donné, tu te rends compte que tout ce que tu as pensé, c'était pas ça. Puis là, tu es en crise, tu peux souffrir encore plus, la souffrance. Puis là, à un moment donné, tu finis par faire le ménage un peu dans tes affaires, donc tu deviens une cruche un peu plus neuve. Cruche, c'est le terme d'aujourd'hui, c'était des autres à l'époque. Alors, ce qui fait que... Alors, toujours pour prendre les termes, là. Alors, ce qui fait que la souffrance t'amène à faire ça. Mais si t'as pas trop d'orgueil, tu souffres moins. Ce qui fait qu'à un moment donné, on en a déjà brisé des formes, la conférence, justement, le rôle de l'âme, je pense, de l'ego, en parlant de l'orgueil. Bon, mais ceux qui ont brisé des formes chez certains, sauf que ce monde-là, il y en a qui sont revenus, puis on va pouvoir parler bien mieux ensemble, travailler bien plus, la vie va pouvoir leur montrer bien plus de choses. Alors, on montre autant, mais avant, ils voyaient pas. Parce qu'il y avait, justement, l'orgueil, un mur. Puis les formes, il faut qu'ils brisent. C'est quoi briser une forme? Une forme, c'est quoi? Simplement un concept qui garde une forme mémorielle, puis que toi, tu dis que c'est la réalité. Alors, à un moment donné, paf, c'est pas la réalité. La réalité, tu peux pas connaître. Alors, c'est ça qu'on brise tes formes. Et puis, les formes, c'est ça. Quand on brise suffisamment de formes, on a donc devant nous un être nouveau. C'est plus l'être antique. C'est plus l'être qui supporte sous ses épaules 2000 ans de tradition. Ou 1000 ans de tradition, ou 500 ans de tradition, ou 20 ans de tradition. C'est un être neuf. Fait que tu mets quoi de neuf dessus? Il va en faire une tradition, il va en faire une forme. Mais un jour, on brisera encore cette forme-là, puis on va lui donner un autre enseignement, il va encore en faire une forme, mais des formes de plus en plus fragiles. Tu vas faire Pnach, puis à un moment donné, il va faire lui-même, il va lui-même briser ses formes, parce qu'il va être rendu à un état où c'est qu'il va douter. Ça a de l'allure, puis c'est tout. Puis quand tu arrives à pouvoir douter de tout, pas renier et douter, ben, t'es capable de briser les formes, il arrive quelque chose d'autre, ça a plus d'allure. Fait que ça, ici, t'as pas ça, tu l'adaptes, tu l'élimines, tu souffres plus. T'es pas pogné. Alors, disons que c'est ça. Ça, c'est extrêmement important de faire attention pour pas que les cruches, je sais pas comment dire, les outres ou les urnes, les cruches se brisent en mettant un vin nouveau dedans. Donc, tu nettoies, tu prends des cruches neuves, dans ce sens, disons, matériel du terme, puis là, tu peux mettre du vin neuf. Et le vin, ben le vin, évidemment, c'est très ésotérique, alchimiquement parlant. Le vin, c'est le sang du Christ, mais le sang, c'est ce qui va cheminer dans le corps de l'homme, ce qui va entraîner en vibration à peu près tous les plans de l'homme, les plans que l'homme vit. Et si on regarde la messe, même, tu as le corps du Christ, tu as le vin. Le vin, c'est le vin même, c'est une essence spirituelle, justement, qui te permet de... En tout cas, je vais juste donner une idée. Alors, le fait même qui parle de vin, parle de connaissance. Pour faire la relation, parce qu'il donnait pas des paraboles de même avec. C'était quelqu'un qui connaît un peu la symbolique peut aussi arriver à comprendre. Oui, mais faut que tu étudies la symbolique, puis c'est pas accessible partout. Non, mais disons que c'est la parabole, c'est une forme, c'est comme une carte de tarot. Hein? C'est un enseignement caché. Puis quelqu'un qui connaît la symbolique va comprendre. Ou tu connais, tu as de la connaissance qui fait que tu peux comprendre ça sans avoir à passer par les... Le sommeur. Semeur. Voici que le semeur sortit pour semer. Et comme il semait, il tomba des grains le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. Et il en tomba... tomba sur des endroits pierreux, où ses grains ne trouvèrent pas beaucoup de terre. Et ils levèrent aussitôt parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut haut, ils furent brûlés, et pour n'avoir pas de racines, ils se desséchèrent. Et il en tomba d'autres sur les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et il en tomba d'autres dans la bonne terre, et ils donnèrent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qui a des oreilles qui l'entendent? Ça veut dire ça qu'il ne faut pas interpréter ce qu'il dit. Ceux qui ont des oreilles entendent. Mais ça, c'était pour l'époque. Bon, disons que là, il va falloir que tu me relis des petits bouts de temps en temps. Ben non, en tout cas, on va y aller morceau par morceau. Alors, le semeur est sorti, puis il a acheté des grains de semences. C'est ça, le long du chemin. Alors, évidemment, c'est la connaissance, là, évidemment, parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de ministère d'agriculture, puis je pense pas que c'était un cours d'agriculture qu'il leur donnait. Non. Et puis, parmi ces grains-là, il y en a que des oiseaux... Qui sont tombés... Non, le long du chemin. OK. Où est-ce qu'il n'y a pas de terre, où est-ce qu'il n'y a rien. Bon, parfait. Et les oiseaux sont venus, ils l'ont bouffé. C'est ça, ils ont bouffé. Bon, puis en tombe d'autres. Oui, on va commencer par ça. La connaissance même, tu la distribues dans un public de masse à un moment donné, ce qui est normal. À travers ce public-là, il y a du monde qui vient entendre l'orateur pour la première fois. Du monde pour qui c'est la deuxième, troisième, quatrième, 20, 30, 40 fois. Bon. Puis aussi, présentement, disons qu'on a des cassettes, on enregistre. Là, je parle de la connaissance au niveau d'aujourd'hui. À l'époque, évidemment, il parlait à des foules tout court. C'était pas mal le même phénomène. Il n'y a pas besoin de cassettes. Le monde le suivait. Alors, ce qui arrive, c'est que la connaissance que tu jettes sur le bord du chemin, donc les graines qui tombent sur le bord du chemin et qui sont mangées par les oiseaux, c'est simplement la connaissance qui est donnée à un public, par exemple, un public qui n'a pas suffisamment d'identification mentale, donc un public psychologique, un public qui est astral, qui est psychologique, qui est émotif totalement, un public qui est donc assujetti à l'astralité planétaire, un public qui est manipulé par le ciel planétaire. Donc, les grains qui vont tomber vont être automatiquement digérés par Satan, par les forces du mal, par ces oiseaux dont il parle, lui, qui viennent, qui prennent, puis que le grain donne même à rien de ce qui aurait pu ressembler. Hein? Alors, ce qui fait que la connaissance, quand elle est donnée de masse, elle peut servir autant au mal qu'au bien. Mais là, présentement, elle est donnée sur un mauvais chemin, c'est-à-dire sur le chemin. Et ça peut pas pousser. Les oiseaux voient le grain et viennent le bouffer immédiatement. Fait que même la connaissance supramentale, qui peut être répartie, et elle est répartie, on n'a pas le choix, dans un peu partout, comme le semeur va jeter son grain. Alors, automatiquement, si elle va dans un endroit, dans la psychologie d'un individu, où tout est rentré pour pouvoir aller astiner le libraire ésotérique du coin, ou pour pouvoir donner une raison à quelqu'un, tu viens par un titre, tu reviens pas après. Alors, tu viens, puis après ça, tu repars, ah, je savais, il pense comme moi, mais tu reviens plus jamais le voir. C'est tombé dans un endroit où il n'y aura jamais de pouce, où il ne va jamais rien se passer, puis là, tu vas t'en servir toi pour essayer de prouver que tu sais, pour essayer de dénigrer quelqu'un, pour etc. Alors, ce qui fait que la connaissance qui va sur le bord de la sous chemin tombe dans une psychologie qui est bassement astrale, c'est-à-dire vibratoirement parlant. Donc, une psychologie très orgueilleuse, très émotive. Bref, il va jamais rien se passer avec cette connaissance-là. C'est comme si tu n'avais jamais rien jeté à l'intérieur. Il n'y a rien qui va pousser. Non. Le semeur, il continue et il jette son grain dans un endroit où il y a peu de terre, sur les roches. C'est ça. Le grain pousse rapidement, étant donné que... Faut qu'il pousse vite, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est extraordinaire. Alors, on commence la deuxième partie avec ça avant de passer aux questions. D'accord? On est rendu aux grains qui ont tombé sur, la roche. Sur les pierres, c'est ça. Trop important. On continue après ça. OK, merci. Pour le bénéfice de ceux qui viennent pour la première fois, j'aimerais vous rappeler, c'est-à-dire j'aimerais vous indiquer que